Préposition. First I'll read the preposition and then the example sentence. A. Vous arrivez à l'entrée. Tu vas à la réception. 2. Sortez de l'édifice. Dans. Vous entrez dans le restaurant. Par. Vous passez par l'entrée principale. Vers. Va vers l'ouest. Jusqu'à. Continue jusqu'à la sortie 12. Example sentences. Tu passes entre deux tours. Tu arrives devant l'édifice.